بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 40 كاوتش سانك عفوا 40 وبعد 100. الحديث 40 بعد 100 140 حديث توجد كتاب العيد باب العيد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. كي لدي جندب بن عبد الله رضي الله عنهما البجلي que le Nabi صلى الله عليه وسلم a fait la salat du عيد, le jour du sacrifice, et ensuite il a fait la khutba, et ensuite il a égorgé. Et il a dit, celui qui a égorgé avant de faire la salat, alors qu'il égorge un autre animal à sa place. Et celui qui n'a pas encore égorgé, qu'il égorge au nom d'Allah Azzawajal. نعم. يقول فضيلة الشيخ بن عثيمين الراوي الرابورتور سي جندب بن عبد الله ابن سفيان البجلي وصحبته القديمة et que il a été un compagnon de peu de temps avec le Nabi صلى الله عليه وسلم. Et il a été dit de lui qu'il a rapporté 43 hadiths, qu'il habitait à Basra et à Al-Kufa et qu'il y est mort après l'an 60 de l'Hégire. يقول موضوع الحديث سجد الحديث متعدد وانساب للباب بيان الأسباق من الصلاة والخطبة في العيدين. Donc il y a plusieurs sujets cités dans ce hadith, plusieurs jugements, et le plus approprié c'est celui justement du jugement de la salat avant la khutba. Car en réalité les autres règles de sacrifice, tout cela ne sont pas liées au livre que nous étudions. À la base, nous étudions le livre de la salat. Ce n'est pas le livre du sacrifice, car le livre du sacrifice va venir par la suite dans le livre. De Hamdat al-Arkham. Donc en réalité, ce qui est voulu vraiment par l'auteur en premier lieu, c'est le jugement de la salat en soi. Après le reste est cité en ajout. Yaqulu fi sharh al-ijmali, explication globale du hadith. Yurbilu Jundub ibn Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam salla bi ashabi salat Eid al-Adha, thumma khatabahum thumma dhabaha adhiyatah. Donc il informe le sahabi que le Nabi sallallahu alayhi wasallam a fait la salat du Eid pour ses compagnons. Ensuite, il les a sermonnés et ensuite il a égorgé son animal. Et qu'justement, il venait avec son animal dans le musalla, dans le de la salat, pour montrer justement l'emblème de ce jour-là. Car c'est un jour où il faut faire apparaître cela. C'est un jour symbolique pour les muslimines. On ne doit pas se cacher, comme c'est le cas en France, il t'empêche d'égorger. C'est une chose qui doit être apparente, que l'on doit voir, que l'on doit entendre, qui doit avoir des traces. D'accord, c'est une chose qui doit être visible. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il a amené son animal au musalla. Il l'a égorgé pour enseigner aux gens et montrer comment il fallait faire. Naam. Wa amara fi khutbatihi man dhabaha qabla as-salat an yadhbah makanaha badalah. Haythu dhabaha dhabhan ghayr mujzi. Et qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a égorgé avant l'heure, qu'il refasse un égorgement à la place du premier qu'il a fait. C'est-à-dire pour celui qui a les moyens. Car son premier égorgement n'est pas valable. Son premier égorgement n'est pas valable. Donc il doit recommencer. Wa amara fi khutbatihi man dhabaha qabla as-salat an yadhbah makanaha badalaha. Tayyib, ala kad qala. Il y a une répétition dans le livre. Wa amara man lam yadhbah an yadhbah ala ismillah ta'ala li yakuna adh-dhabh sahihan wa adh-dhabiha halala. Et qu'il a dit également que celui qui n'a pas égorgé qu'il le fasse en nommant Allah sur l'animal pour que cet égorgement soit lui valide, également que la viande devienne halal et comestible pour nous. طيب يقول من فوائد الحديث اصل موجود الحديث مشروعيه الخطبه في العيدين وانها بعد الصلاه également voilà le shahid c'est qu'il faut faire la khutba des deux عيد après la salat et pas avant. ثانيا انه يشرع في الخطبه ان تكون مناسبه الوقت والحال ويذكر في كل وقت وحال ما يناسبها. Comme on avait dit dans le dars précédent que cette khutba doit être un sujet approprié à la situation et au temps et qu'elle apporte un profit aux gens. ثالثا مشروعية تأخير الذبح الأضحية إلى ما بعد الخطبة وجوازه قبلها بعد الصلاة. Et qu'il est légiféré justement de retarder l'égorgement après la khutba, d'accord, et qu'il est permis de le faire après la salat directement, car la khutba n'est pas obligatoire. Comme nous l'avons dit, la khutba n'est pas obligatoire en réalité. رابعا وجوب ذبح بدل الأضحية على من ذبحها قبل الصلاة وإن كان جاهلا تكون مثل المذبوحة أو أطيب. Qu'il est obligatoire pour celui qui a égorgé son animal avant le temps, avant la salat, même s'il est ignorant, d'égorger un autre animal à sa place. Équivalent ou meilleur. Mais en réalité, cela n'est pas obligatoire, car en réalité, comme on l'avait expliqué, cet égorgement-sacrifice n'est pas obligatoire. Ça, c'est pour celui qui a les moyens. Celui qui a les moyens, qui est égorgé avant l'heure, qui peut rattraper et qui veut sa récompense alors qu'il égorge un animal aussi bien que le premier qui l'a égorgé, ou meilleur encore. Et dans le ders précédent, nous avions vu que Abu Barda, lui, il fait exception à la règle. Il a fait exception à la règle. Khamisan. Wujub et tasmiya and al-zabh. Voyez short. La tahil al-zabiha biduni. L'écolillahi ta'ala. Wa la ta'kulu mimma la miskolismullah alayhi. Qu'il est obligatoire de nommer le nom d'Allah sur l'égorgement, sur l'animal lors du sacrifice. Car c'est une condition pour rendre halal cet animal. Sans lequel, sans cette nomination, cette tasmiya, l'animal ne sera pas permis d'en manger. Et la preuve, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit, et ne mangez pas de ce dont le nom d'Allah n'a pas été nommé dessus. Donc celui qui aurait oublié de nommer le nom d'Allah Azzawajal, par oubli, il n'aura pas de péché, mais sa viande ne sera pas comestible. Wa akada. Adala yakhana al-yum, alhamdulillah, bien amin.